Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de Samuel Girard qui a été retranché du camp d'entraînement des Prédateurs de Nashville. Girard a quand même très bien fait lors de lors des matchs en concours. Et rappelons que samedi, il a formé une paire de défense avec Piqué Subban. Donc, c'est une expérience qui sera certainement profitable à Samuel Girard. On va tenter de lui parler au cours des prochains jours. Maintenant, on va parler toujours de hockey au niveau Bantam régional en fin de semaine. Les Rapides de Beaumont-Sessigny se sont inclinés 5-4 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Ça se passait dimanche à Normandin. Et les Patriotes de Saint-Bruno ont gagné 5-4 contre les Rapides de Beaumont-Sessigny samedi à Saint-Bruno. Victoire des Basques de Sept-Îles 2-1 contre Mastouillache. Et les Hurricanes ont gagné 1-0 contre les Marquis de Jonquière. Les Ambassadeurs de Chicoutimi ont perdu à deux reprises, 5-2 et 8-0 contre Sept-Îles. Et au niveau régional, au niveau Pee-Wee régional, les Rapides de Témiscamingue ont perdu 5-2 contre Sept-Îles. Au football, les Faucons des Portes du Nord ont gagné 41-12 contre la polyvalente d'Arvida. Dans le match, on a été 3 touchés pour Vincent Bouliane. Il y a Mathias Boivin, Isaac Côté et Gabriel Saint-Pierre qui ont complété le pointage. Le 22 octobre prochain, la ville de Lebeau-Missassigny sera l'hôte le 22 octobre prochain d'une grande marche qui est en lien avec le défi Pierre Lavoie. On estime ou on veut attirer 5000 personnes pour cette journée. Et le président d'honneur est Yannick Saint-Pierre. On lui a parlé ce matin. Et pour Yannick Saint-Pierre, c'est une excellente cause dont il est associé. Non, mais Denis, c'est une bonne cause. C'est important la santé. Oui. Et avec cette activité-là, quand on m'a demandé cette activité-là de faire un président d'honneur, j'ai accepté avec grande joie parce que je pense que la forme physique, c'est quelque chose qui est important. Tu sais que dernièrement, j'ai un de mes amis que j'ai perdu un de mes amis. Ouais. Peut-être que c'était causé par ça, je ne sais pas. Faut y penser. On est jeune. Fait que, puis ça n'a pas l'âge, d'aller la forme physique. Puis il y a Marie-André Savard, qui est la présidente du comité. Marie-André, là, toute une dynamique alentour de ça. Le comité, il travaille très fort. Puis là, ils vont même innover dans la marche, en faisant une marche de 1 km pour les personnes qui ont des mobilités réduites, des choses comme ça. Fait qu'on on devance encore le défi Pierre Lavoie avec cette activité-là. Et voici comment on va procéder pour attirer 5000 personnes lors de cet événement. C'est quoi en fait qu'on fait? Là? Il y a quelques exemples. Dans toutes les écoles, il y a des approches qui sont faites avec les enseignants. Il y a des plaques qui sont passées dans toutes les écoles également. Il y a des affiches sur toutes les écoles. Les centres hospitaliers, Marie-André travaille énormément fort avec les centres hospitaliers de la MRC, de Menzoroy et des autres MRC, pour inciter les médecins, parce que les médecins, c'est eux qui chapeautent l'activité du Grand Défi Pierre Lavoie cette année. Mm. Fait que les médecins s'impliquent énormément auprès des patients, auprès de leur clientèle. Les incite à venir prendre une bonne bouffée d'air, un petit 5 km. C'est pas énorme, c'est 5 km. Okay. Tu vas peut-être prendre 45 minutes, une heure, avec plein d'activités tout au long du trajet-là. OK. Va-t-il avoir des. Parce que là, tu dis Domaine de Roy, va-t-il avoir des. Je vous invite donc à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec la grande vedette des Jeux paralympiques, Aurélie Rivard, qui a été vraiment la grande vedette de ces Jeux. Je me suis également entretenu hier avec Serge Cloutier où on a parlé de la Coupe Ryder qui a été remportée par les Américains en fin de semaine. Et comme à tous les lundis, Sébastien Morin vient nous parler des Saguenayens de Chicoutimi. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.